milliards d'années. On joue sur la sémantique. Si le pouvoir chinois est marxiste, alors nous aussi on sait mentir. À rivaliser d'hypocrisie, on se complète en strip. Sous le signe de la plaisanterie, on joue les trahisons des scènes antiques. Mais t'es pessimiste? Non, traîne en ville. Les comportements sont névrotiques, très cyniques et mercantiles. Les thèses s'empilent, l'argent suit son cours. Les gens y pestent après le système, mais au fond ils sont pour. Mon seul espoir réside dans le son, et pas dans le fait de pouvoir un jour en vivre. Les rapports sont manichéens, la faute à qui? Ra, Toriyama. Si c'est tendance de se faire greffer le cul et les seins à Rihanna, tu penses? Ils ont que ça en tête, les vaux, dit des clichés n'inventent rien. Tu te retrouves en tête des ventes, avec des si je mettrais Panama en taille. Je ferais organiser des convois pour un call cause avec deux chavannes en tête. Supprimer la Saint-Valentin, ainsi que tout ce dont j'ai précédemment fait l'inventaire. Succès sera posthume. On pourra dire de queuse, il n'a pas accepté d'enfiler le costume de la posture. Hippie toaster, v'là pourquoi on me prend. Mais ils savent pas que je m'en amuse à être le seul à me comprendre. D'ailleurs, ils croient que j'en ai pas rien à foutre de leur donner du grain à moudre. Oui, oui, ils se noieraient dans un thé à coudre. Ha, de qui je parle t'occupe tant qu'il y a le flow qui approvisionne l'amateur lexical salto. Si le temps c'était réellement de l'argent, putain, je serais pété de thunes. Mais on le perd tous plus ou moins à se faire baisser le fut, à se laisser dévisager par d'immenses palissades, LPT de pub, ou entendre nos mères se faire traiter de pute. Tu l'as pris mal, use de tes glandes lacrymales, c'était le but.